premièrement, tu as brûlé le feu rouge. Là mon cœur est blessé. Chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti. Pourquoi m'as fait-tu comme ça? Chantiti, premièrement, tu es parti sans clignoter. Chantiti, premièrement, tu as brûlé le feu rouge. Là mon cœur est blessé. Chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti. Parce que je suis un géniton, oh la gore, reviens. Parce que t'as eu un coton, la mousse mère, reviens. Chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti. Parce que je suis un géniton, oh la gore, reviens. Tu sais bien là quand je te vois pas haut, mon cœur fait doucou doucou doucou doucou comme une marmite de feu. Chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, tu sais bien là quand je te vois pas haut, mon cœur fait doucou doucou doucou doucou comme une marmite de feu. Chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, parce que je suis un géniton, la mousse maison gara. Parce que t'as eu un gros ton, la mousse maison gara. Chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, chantiti, Mama, bonke. Hey, Mama, lembe. Hey, Mama, bonke. Hey. mène âme seulement, la Haïti ni bonheur. Qui a quitté ou la y pas qu'à rester bien. Vous pas qu'à la stamper, yo yo. Non, la femme. Matin, midi, soir. Il toujours dehors. Matin, midi, soir. Il toujours dehors. Qui vit à une encore. Thank you. Ki batuni oli kambo yoko bomba zatina nini vosya Bimaka mama So ki batuni ona manda yo ye baka ya ya fimbo bimona Bimaka vosya So ki boli poeza la kalo kola bisi na mayi Mbele na somba na bomba yo na kwa yo Thank you. Oh ma cacharelle. Le bouton d'angoa. Paris, diabo loco. Ah, y'a un mot béni, tout ça souligne. Les gens bah ont accueilli le sabango. Ambe babino wamba basodios, la baroche timora. Ambe baoba signa pap. Ah ah ah ah ah ah, et mon boulot. Papa.